Voilà. Fly FM. Dans une minute. Dans une minute. Le meilleur du hit revient. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Cacher une infidélité? Alibi.com. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Mais surtout, ne jamais mélanger les affaires et la famille. Je vais te dire toute la vérité. Oh, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Par les créateurs de Babysitting, Alibi.com, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Actuellement au cinéma. Top chrono, rugby à 15. Ah mais ce soir c'est la grande parade du rugby à 15, hein, puisqu'on parlera après, juste après, si je regarde bien mon programme, ça sera du handball au féminin et on aura deux petits mots à dire sur le handball. Mais restons dans le rugby à 15, c'était les barrages, allez, 32e de finale, la SBC qui allait du côté de Nice. Un match compliqué, car sur la feuille de match, quand on regarde du côté de Nice, mais ce qui a été le plus surprenant pour ma part, Jean-Yves n'était pas à mes côtés, mais ça y aurait sauter au visage, de voir arriver les joueurs avec leur voiture, leur sac, et pas du tout de cohésion. On rentre dans les vestiaires pour faire le job, on se met en tenue, on rentre sur le stade, on s'entraîne bien sûr, on fait le match, et à la fin du match, eh bien, on ne va pas à la réception. Pourquoi aller à la réception? Ça ne sert à rien, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire du rugby. On reprend sa voiture et on rentre chez soi. Voilà un petit peu l'ambiance qui m'a un petit peu terni dans ce match de rugby à 15 du côté de Nice. Voilà. Fred, il y a deux choses dans ce que tu dis. Moi qui ai eu la chance de jouer dans des pays anglo-saxons, c'est très anglo-saxon ce genre de comportement. En Australie par exemple, lorsque il n'y a pas de mise au vert, il n'y a pas de préparation avant le match, il n'y a pas de regroupement, chacun se pointe, quel que soit le niveau d'ailleurs, et ça existe aussi en NRL dans les championnats pro à 13 par exemple, où les mecs arrivent au dernier moment, font n'importe quoi quasi jusqu'au dernier moment, se préparent chacun de leur côté et sont là au moment où il faut l'être. Ça c'est alors ça peut être un choix des entraîneurs pour pas mettre trop de pression aux joueurs. Ça peut être à double tranchant. Soit tu mets trop de pression aux joueurs et les mecs déjouent, soit tu leur laisses préparer leur match comme ils ont envie et puis les mecs du coup ne sont pas dedans. Alors, c'est un peu à double tranchant. Le truc que tu relèves et qui moi me paraît plus pas bon et signe que les mentalités changent dans le mauvais sens, c'est que ces mêmes mecs qui arrivent au dernier moment repartent au premier moment, c'est-à-dire on a terminé le match, on se lave, on se fait beau et puis on prend pas le temps de venir saluer les supporters, on prend pas le temps de venir boire une bière et les copains. Ça par contre c'est un peu plus gênant pour moi qui suis de la vieille école, toi aussi. Voilà, le rugby c'est aussi ça, c'est aussi la convivialité, c'est pas que de venir jouer, prendre son chèque et se barrer. Même si tu arrives au dernier moment, et encore une fois, arriver au dernier moment c'est pas un problème. Partir comme un voleur dès que le coup de sifflet final a été donné, c'est un peu plus délicat. Et c'est ce qu'on a ressenti un petit peu sur le terrain, une équipe de Nice qui est arrivée très, très impliquée dans les 10 premières minutes, 14-0. On s'est dit, ça y est, la messe est dite, la SBC ne reviendra pas dans ce match. Et bien au contraire, ils ont construit tout doucement la rébellion avec un changement au niveau des joueurs. Et on a fait des changements très judicieux du côté des entraîneurs. On a fait sortir un troisième ligne Mortelette qui avait à peine 20 minutes de jeu pour faire rentrer la Nouyagé qui a mis du jus devant, qui a mis de la puissance et de l'implication, ce qui a fait un petit peu vaciller puisqu'ils prennent un essai transformé, bien sûr, cet essai en bout de ligne que marque notre ami Franquin, le numéro 15. Et juste après, eh bien, c'est... Chourou, qui nous claque une drop, donc je ne sais pas d'où il avait mis l'idée de la faire. Mais en tous les cas, celle-là, il y était. Preuve qu'il est définitivement un bon joueur, à défaut d'être un très grand joueur, mais il est encore jeune. Mais en tout cas, il a des qualités extraordinaires, on le sait, toi et moi. On en a parlé la semaine dernière, mais un joueur capable de claquer un drop à ce moment-là, dans ces conditions-là, ben ça prouve tout simplement qu'il maîtrise complètement la palette du bon joueur. Et après, juste pour signer dans cette première mi-temps, on va dire que l'arbitre a été pas très mauvais, mais pas très bon non plus, parce que quelque part, il a fait des bons choix. À un moment, il y a un plaquage cathédral avec Marc Mortelette qui atterrit sur les vertèbres. L'arbitre donnera rien, donnera juste un simple avertissement et une pénalité. Et puis, on se retrouvera à la fin du match avec 40 minutes au compteur de cette première mi-temps. En avant, grossit en avant de l'arrière de Nice dans ses 5 mètres. Et monsieur l'arbitre ne fera pas disputer la mêlée, ramènera tout le monde au vestiaire. C'est bien dommage, puisqu'après, à la fin du match, eh bien, on connaît la suite. Le match est terminé, 80 minutes de jeu. Il y a une mêlée à faire. Monsieur l'arbitre a derrière lui le compteur qui est déjà bloqué à 42 minutes. Il décide de faire cette mêlée, à la suite de cette mêlée. Il y a une pénalité pour Nice et on connaît la suite puisqu'ils marqueront l'essai avec un en avant dans les 5 mètres que l'arbitre de touche, bien sûr, n'a pas signalé. Et c'est pas la faute de l'arbitre, il était de l'autre côté de l'action. Pour lui, j'ai rien à dire. Par contre, l'arbitre de touche n'a absolument rien vu. C'est bien dommage. Ouais, c'est d'autant plus dommage que ce genre de faute à ce moment-là de la partie, ça fausse complètement le résultat. Ça, on espère qu'il n'y aura pas d'incidence sur le match retour. Ce qui est gênant, en fait, c'est que ces trois arbitres officiels, la Fédé avait pris ses responsabilités en déléguant un arbitre central officiel et deux arbitres de touche officiels. Et en plus, il y avait une armée d'observateurs, il y avait des délégués en veux-tu en voilà, et puis il y avait des consignes, attention les gars, on connaît ce qui s'est passé lors des deux matchs précédents. Donc s'il y a le moindre problème, donc l'arbitre prend ses responsabilités, il n'y a pas de souci. Dommage que tout le monde ne les ait pas pris et ça fausse le résultat. Alors je te propose d'écouter, parce que toi tu es bien analysé, on va y revenir. On va écouter en premier Mounier, le manager général de cette équipe de Nice. Il trace un premier bilan, mais on le sent un petit peu inquiet. Un petit peu de ce match, parce que Niçois avait reçu Château-Renard en dernière phase de championnat. On avait eu une très belle prestation de cette équipe de Nice. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la SBC qui a été à la hauteur du rendez-vous? Alors, la SBC a été à la hauteur du rendez-vous, hein, mais on n'en doutait pas, hein, dans ce qui fait ses points forts, c'est-à-dire l'engagement physique. Je pense que nous, on a très bien débuté le match, comme tout le monde a pu le voir, et peut-être que ce début, il n'a pas été aussi favorable pour la suite du match qu'on aurait pu le penser. C'est-à-dire que derrière, quand on mène 14-0 au bout de 10 minutes, il aurait fallu être capable de bonifier ce score et de renforcer, puis on n'a pas été capable. Au contraire, on s'est même, je trouve, un petit peu contenté de ça, comme s'il fallait gérer. Et puis finalement, ça a remis ce groupe, ce collectif de Château-Renard sur des bonnes bases, puisque en marquant derrière, ils se sont retrouvés un tout petit peu. Ils ont enchaîné et puis ils ont fait des choses intéressantes. Hein, faut être ouais, ouais, parce que quand c'est vrai que cette équipe de Nice, bon, redoutable, parce que sur le papier, ben, elle pourrait faire peur à pas mal d'équipes, je veux dire. Et puis tout compte fait, oui, un début de match très prometteur. Et puis derrière, un petit peu, que, on va dire, ça s'éteint. Il y a beaucoup de turnover et ça n'apporte pas ce qui était prévu peut-être. Alors, il faut toujours se méfier de ce qui est sur le papier. Moi, je l'ai dit, puisqu'on s'est rencontré avec les journalistes en début de semaine, Bédarid a fini 4e, on a fini 5e, donc comptablement et sportivement, ils sont meilleurs que nous sur l'ensemble de la saison. Là-dessus, il faut être très réaliste. Après, on a fait des bonnes performances quand même au cours de la saison qui nous permettent d'espérer et d'avoir de l'ambition. Mais comptablement, cette équipe de Bédarid, elle était devant nous, donc elle a prouvé encore aujourd'hui qu'elle avait tout à fait sa place et même toutes les armes pour rivaliser et nous battre. Donc on n'est pas favori, je pense que le match l'a montré encore une fois. On est en phase finale face à des équipes qui ont mérité d'être là et qui ont tout à fait les moyens de à chacune des équipes de remporter leur match. 6 points suffira pour aller tatillonner une qualification à Bédarid? Non, et 15 points n'auraient pas suffi non plus. Il faut jouer le deuxième match comme si on n'avait pas gagné le premier, en espérant le gagner pour continuer notre aventure. Merci. Voilà, je crois qu'on a écouté l'entraîneur de Nice. Alors Jean-Yves, 14 points, tu as l'air d'un petit peu de secouer la tête, tu n'es pas trop d'accord avec ce qu'il dit? Non, rappelle-toi Fred, avant ce match, dans la semaine, je t'ai dit, il faut aller là-bas pour limiter les dégâts. Et je t'avais dit, le risque est grand d'en prendre un moulon si tu vas là-bas. Et puis, recevoir au match retour, c'est un réel avantage. C'est un réel avantage si tu n'en as pas pris, un saut quand ton match allait. Là, 6 points d'écart, ça met le doute aux Niçois, parce qu'eux, ils sont obligés de venir faire un gros coup à Béda. Et ça permet aux entraîneurs de Béda de dire aux joueurs, les gars, on n'a pas gagné, on n'a rien gagné, mais il y a 6 points d'écart. Donc, on garde la pression. Si Béda avait gagné, ça aurait été un superbe résultat hier. Mais quelque part, la pression serait un peu retombée. Tu vois, on a fait le truc là-bas. Allez, ça va à peu près. Et on sait que dans ces cas-là, les joueurs de la SBC, c'est souvent un peu délicat à gérer. Alors que là, ils ne sont, sont pas favoris. Ils sont en moins 6. Donc, les entraîneurs de la SBC vont pouvoir garder le groupe sous pression. C'est une excellente nouvelle. Et surtout, les joueurs de Nice vont venir à Béda, au Verdot dimanche, en étant obligés de se découvrir, en étant obligés de balancer du jeu. C'est à eux de faire le jeu. Et quand tu balances trop de jeux, tu le sais, eh ben, tu t'exposes. Ils ne vont pas pouvoir faire que gérer avec leur demi d'ouverture, avec Orquera, qui a un talent extraordinaire. Ils ne vont pas pouvoir que gérer. Ils vont être obligés de marquer des essais. Et pour marquer les essais, il faut balancer du jeu. Et pour balancer du jeu, eh ben, ça demande à faire des fautes. Alors que les Bédaridés vont pouvoir un peu plus se nourrir des déchets. Espérons-le en tout cas. Espérons que j'ai raison sur ce coup-là. Alors on va dire, je vais donner une note satisfaisante à tout le groupe, surtout à les gros devins. Et pour savoir un petit peu un début d'explication de ce qui s'est passé dans la dernière mêlée, je vous propose d'écouter Erjan, le second ligne, et derrière un personnage du rugby emblématique vauclusien et surtout Bédaridé maintenant, c'est Bébé Mesdour, qui arrive pratiquement à la fin de ses 36e printemps, je crois, hein, ou 37e printemps, et qui a été énorme parce que, vous allez l'entendre par rapport à ce que va nous dire Erjan, devant, ça a été la guerre, et il a su, avec les ballons portés, on va dire désaxer à chaque fois ce bloc niçois qui n'y comprenait plus rien, il se mettait souvent même à la faute, et ça, ça m'a fait très plaisir. Je vous propose d'écouter les deux personnages seconde ligne de la SBC. Premier temps, 14 points, vous prenez, puis après, qu'est-ce que c'est quoi qui vous pique pour revenir dans ce match et pratiquement l'emporter? Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui nous a piqué ou autre. Je pense que c'est eux, ce sont plutôt, après deux essais marqués coup sur coup, qui s'éteignent un peu. Je pense que dans leur tête, ils se voient un peu gagnés. Nous, on lâche rien, c'était le mot d'ordre. Quel que soit le score, de rien lâcher, que tous les points gagnés, ce sera toujours ça de prix pour le match retour. Voilà, quoi. Après, ben, je pense qu'on les a bien emmerdés, on les a bien contrés. Après, c'est dommage que la fin du match nous soit défavorable sur la dernière action, de prendre un essai comme ça de 60 mètres. Quoi. Ouais, c'est toujours ralent, quoi. 6 points, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave, mais le match aller pendant la phase régulière, 6 points ici. Nous, quand ils viennent chez nous, on gagne de 6 points. Là, de nouveau 6 points. Donc, je pense que ça va être un match à... Un gros match en jeu, ça va être difficile pour les deux camps. Voilà quoi, je pense que rien n'est joué. Quoi. Rien n'est joué et on verra bien sur le match retour. Quoi. Ouais, ma dernière question, cette mêlée écroulée, toi qui joues seconde ligne, quand on est dans les arrêts de jeu, qu'on a le ballon introduction pour soi, qu'on est adversaire, on peut essayer de faire écrouler la mêlée. Moi je vois tout le match, on a avec Victor sur mon épaule droite, c'est vrai que ça a été dur. Des beaux bébés, ça a été dur de tenir cette mêlée. On l'a tenu pendant, Victor a tenu, je pense toute l'équipe a tenu pendant les 80 minutes quasiment. C'est dommage que sur la dernière, est-ce que peut-être un excès de confiance, on pense que c'est déjà plié avant, je sais pas. Et puis voilà, comme quoi c'est le jeu, hein, d'une erreur. Match retour, c'est un poteau qui leur a coûté la victoire. Nous, c'est une mauvaise mêlée qui nous coûte la victoire, alors que c'est nous qui avions l'introduction. Tour, on revient sur ce match, bébé. Tu rentres en seconde mi-temps, vous avez été énorme. Toi aussi, devant, parce que quand même, il y avait des gros en face à Nice. Hein. Et ce match que vous perdiez dans les dernières secondes. Très belle équipe de Nice en face. Et nous, aujourd'hui, on a su mettre les bons ingrédients, répondre présent dans les phases de rug, les phases de combat. Je tiens à féliciter les joueurs de devant. On a été exemplaires. On a fait ce qu'il fallait pour passer devant au score. Et malheureusement, à la fin, on a craqué sur une faute bête à cause de la chaleur, parce qu'il a fait très très chaud. Mais bon, on a toujours nos chances de se qualifier. On a un petit retard de 6 points qu'on va tout faire pour gommer et se qualifier pour les continuer les phases finales. Ouais, tu aimerais bien les taper ces niçois en parlant vulgairement. Ouais, honnêtement, oui, bien sûr. En plus, aujourd'hui, avec le match qui s'est passé, le dernier match qui s'est passé, on va dire, chez nous à Bédaritz, j'ai trouvé un match, même s'il y a eu de l'engagement, tout ça, très correct. Il faut quand même le souligner, quand c'est bien, il faut le dire. Bon, après, voilà, le match retour reste le match retour pour nous et on aura à cœur de gagner devant notre public. Et on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Après, je ne sais pas où on joue, si on joue à Sorgue, à Bédaritz ou à Châteauneuf, mais peu importe, pour nous, c'est de gagner ce match et de continuer l'aventure. Ouais, parce que tu as fait un bon match quand même. Juste, on va revenir sur toute l'équipe, mais surtout toi. J'ai vu que comme bien souvent dans des ballons portés, tu désaxais parce qu'ils étaient lourds, ces joueurs de Nice. Hein, et cette fois-ci, on va dire qu'en vieillissant, tu te bonifies, tu fais comme le vin. Ouais, je me bonifie et j'essaie de moins pénaliser mon équipe avec le temps. Bon, le but, c'est de, comme dit le coach, de rentrer à la fin et d'apporter au groupe, voilà, de ne pas pénaliser le groupe. On arrive à conserver le ballon, à faire des molles portées et d'avancer de pas mal de mètres. On a fait 3-4 molles portées, mais malheureusement, on n'a pas été récompensé pour ça. Mais bon, le but, c'est de continuer à travailler et de préparer le match retour à la maison. Merci. Voilà, là on reconnaît Bébé Mesdour qui allait presque prendre sa retraite, mais tout compte fait, là on sent le guerrier, le joueur impliqué dans ces phases finales. Écoute, Bébé Mesdour, il va probablement prendre sa retraite dans pas longtemps. Ce qui est certain, c'est que il a, même s'il prend sa retraite là, il a envie de prolonger le plaisir. Et c'est le. Pour lui, c'est le meilleur moment de la saison. C'est le moment où tu as besoin de mecs comme ça, tu as besoin de Bébé, tu as besoin de Victor Lenglade qui a été épargné la semaine dernière, qui a été mis au repos. Tu as besoin de tous ces joueurs de talent. Tu as besoin de tous ces joueurs qui ont de la bouteille, qui peuvent peser sur un match. Bébé, quand il met la main dans un regroupement, il n'y a personne qui va lui tordre les doigts. Alors que si tu mets une seconde ligne qui a 15 ans ou 18 ans, à un moment, il y a un vieux qui va venir lui tordre les doigts, et Bébé, il n'y a personne qui lui tord les doigts. Et tu as besoin de ces mecs-là, à ce moment-là de la saison. C'est le moment que tout le monde attend. Chaque rugbyman, chaque sportif attend ces matchs de phase finale. Et quand tu sais que tu es près de l'écurie comme Bébé, Victor et compagnie, et ben ces matchs-là, tu les joues à fond. Et puis tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir parce que tu n'as pas envie que l'aventure s'arrête. Tu as envie d'aller le plus loin possible. Et quelque chose me dit que la semaine prochaine, il va y avoir un festival Bébé. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Alors, juste pour le fait marquant, parce que ça a été la grande discussion un petit peu sur tous les réseaux sociaux, ce match se jouera pas au Stade des Verdeaux. Pour l'instant, il est programmé au Stade des Verdeaux. Il faut savoir qu'il y a eu un match de suspension suite aux images que tout le monde a vues, bien sûr, sur Facebook à propos du match Bellary de Nice. Il y a eu un match de suspension, un terrain suspendu pour le club. En match suspension, le club, ça veut dire les deux terrains, que ce soit à Châteauneuf-du-Pape ou à Bédaride. Malheureusement, l'arrêté n'est pas arrivé encore au club. Quand il sera arrivé, bien sûr, la SBC fera comme la procédure l'implique dans la justice française. On peut faire appel, on fera appel, bien sûr. Et la sanction tombera 10 jours plus tard, ce qui veut dire que le match aura bien lieu au stade des Verdeaux, si la justice est celle que l'on connaît dans le civil. Écoute, si d'aventure le match ne se jouait pas au Verdeau, ce qui est une possibilité et jusque-là personne n'en sait rien, il y a un tas d'autres stades capables d'accueillir ce genre de match dans la région. Et on connaît le peuple vert et noir, mieux que toi, mieux que moi encore, mais les Bédaridés s'en tapent. ils déplaceront le village là où le match se jouera ce jour-là. Et puis ça poussera, parce qu'encore une fois, pour les supporters, c'est comme pour les joueurs, tu sais, on attend ça toute la saison. Et on attend de ressortir les drapeaux, les bérets, les casquettes, les oriflammes, et avançons, voilà. Alors, juste avant d'en terminer un petit peu avec le rugby, parce que ce soir c'était très très long, on a même, qui c'est qui nous appelle, hein? C'est Marie qui ne pourra pas venir probablement. Non, c'était pire, je rappellerai juste après. Revenons à nos faits marquants, juste pour dire quand même que Pirolat recevait Saint-Jean-Royan, ils ont gagné de 8 points d'avance. Là aussi, belle surprise, les vieux grognards que l'on connaît du côté de Trécastin, eh bien ont posé des problèmes à Saint-Jean-Royan, c'est pas gagné 8 points de retard. Ce qui est valable pour Bédaride avec leurs vieux capables de faire la différence dans ces matchs-là, c'est aussi valable pour Pierrelatte. On connaît la qualité des joueurs de Pierrelatte, on connaît la qualité des vieux de Pierrelatte. Et ben voilà, ils ont encore fait la différence là sur ce match-là. Et puis ça va être compliqué pour les joueurs de Saint-Jean-Royan. Oui, Didier, tu voulais dire quelque chose? Au niveau de l'actualité, là, on se régale. Là. Ah ben, c'est le meilleur moment de l'année. C'est le meilleur moment de l'année. On attend ça depuis... au rugby, c'est quelque chose de particulier, les phases finales. C'est ces moments-là que tout le monde attend, les phases finales. On joue toute la saison pour ce genre de résultats. Et ben voilà, on attend tout ça, les joueurs, les supporters, les... Même nous, les commentateurs, les observateurs, on attend tous de pouvoir commenter ça, de pouvoir les vivre, de pouvoir supporter les joueurs dans ces moments-là. Et effectivement, donc probablement que même les vieux de Pierrelatte, puisqu'on en était là, eh ben, ils sont contents de pouvoir eux aussi prolonger l'aventure et de pouvoir montrer qu'ils servent à quelque chose. Eh ben, c'est parfait pour le rugby. On est complet ce soir, il est 19h30, on continue, parce qu'il y a Didier Bougon, il a mis les pointes et alors il est en train de râler. Allons-y. Top chrono, handball. Alors on va parler un petit peu du handball et c'est vrai que j'aimerais juste jeter un petit clin d'œil au club de handball des Sorgues du Comtat féminin, le fameux club de Monteux, hein, son présidente Hélène, hein, je lui remercie hier soir pour son petit coup de téléphone et puis pour nous dire que Moscato, ben, c'est complet. Si vous vouliez des places pour aller voir Moscato à la salle, peut-être mon ami François Gomez va me sauver. Non, il ne sait pas où va se produire Moscato. Au Château d'Eau. Ah, merci, au Château d'Eau. Voilà. Alors, c'est complet. Juste pour vous dire aussi que les filles de Mazan continuent. Carl Vessodo, Pascal Vassé. Merci pour le petit message qu'il m'a envoyé notre ami Pascal Vassé. Il y a eu quelques minutes sur, bien sûr, la messagerie de Top Chrono. Pascal Vassé qui me tenait au courant de ce qui va se passer pour la Nationale 3. Dans quelques temps, puisque une semaine, d'accord. Et puis le 22, n'oubliez pas, le 22, c'est le grand match de la Nationale 3 avec la réception de plan de Cuc. On en saura beaucoup plus, puisque hier, quand même, ils ont fait le job face à hier. 30 points, alors on l'a mis à 15. Hein, c'était vraiment, on va dire, un match très sérieux et très appliqué des filles de Carl Vessono. On espère le retrouver. Alors on n'oubliera pas Capucine Bernard, qui est l'une des plus anciennes et qui reste quand même une joueuse prépondérante dans ce groupe. Il y a Carceller, Faro, Gamé, Ricard, qui reste la capitaine de cette équipe de Mazan. Et on espère les retrouver avec Walsh la semaine prochaine, non, dans 15 jours, puisqu'il n'y a Pâques au milieu, mon cher Jean-Yves. Voilà pour le handball, ça va très très vite ce soir. Top chrono, football. Ça y est, on y est. Monsieur Henri est arrivé. Et là, on va parler football. Henri, rien ne va plus. Est-ce que la CFA est encore au programme ce soir? Ou il faudra déjà parler de la CFA et mettre un petit 2 devant. Donc avant de parler de la CFA et compagnie, on va déjà parler de l'événement auquel on a assisté vendredi soir. C'était le tirage au sort de l'Olympic Cup qui s'est déroulé vendredi à 19h30. Alors ça, c'est le tournoi international U15 de M. Gibert. Cousin voilà. De Monsieur J.Y. Jean-Yves. Donc, les 16 équipes ont été réparties en 4 groupes. Donc, il y a une interview qui a été effectuée à la fin du tirage. Justement, on va la lancer, l'interview. On vient d'assister au nouveau tirage au sort du prochain Olympic Cup. Je suis avec Hervé, coordinateur de cet Olympic Cup. 4 poules comme l'année dernière. Au niveau du tirage au sort, on va peut-être indiquer la poule A. Poule A, le Sporting Club de Bastia, Orléans, Loiret Football, le FC Lyon, Paris Football Club. Alors pour cette poule A, est-ce qu'il y a des surprises? Des surprises, non. Le tenant du titre, donc le Sporting Club de Bastia, avec Orléans qui, pour moi, actuellement, est un petit peu en difficulté dans ce championnat. D'accord. Si j'avais 2 équipes à faire ressortir, je ferais ressortir le FC Lyon et le Sporting. On va passer maintenant à la poule B. La poule B avec le Pôle Espoir de la Ligue Méditerranée, Evian, Tonon, Savoie FC, l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël et le Grenoble Foot 38. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette poule B? Ben, la poule B, pour moi, c'est une... Ouais, c'est très costaud. C'est pour moi la poule la plus costaud du tirage, avec 2 équipes qui vont ressortir, à mon avis, sans trop de soucis. Il s'agira de Tonon Evian et du Pôle Espoir. La poule C, donc on voit l'entrée du Servette de Genève, équipe suisse, le Van Olympique Club, Jeanne d'Arc Drancy et le Racing Football Club Toulon. Il me semble que dans la poule C, il y a du costaud également. Il y a du très très lourd avec Vannes, qui pour moi va être une grosse grosse surprise de cette année. Jeanne d'Arc Drancy, actuellement leader en Ile-de-France. Le Racing, qui est actuellement leader aussi en Promo League dans la poule du Var, qui est notamment le vainqueur du Challenge Zenium. Si j'avais 2 équipes à faire ressortir, ça serait Vannes et Jeanne d'Arc Drancy. On va terminer avec la poule D, où là, cette fois-ci, l'Olympique Montelet apparaît. Ben voilà, oui, avec le Dijon qui est tête de série de cette poule D. Balma Sporting Club, très très très solide cette année, deuxième dans la poule derrière le Toulouse Football Club, en Midi-Pyrénées. Et Luynes Sport et bien entendu l'Olympique Montelet, le club de la ville. On rappelle cette année la date de l'Olympique Cup 2017. Ça sera les 10 et 11 juin 2017. Entièrement gratuit, ouvert à tout le monde. Pour les vrais amateurs de football, ben, qui viennent, ils vont se régaler. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, je crois quand même que tu as assisté à ce tirage. Merci Henri, je pense que la radio était bien présente. Merci à François Gomez d'être présent pour ce tournoi de l'Olympique Cup. La seule chose, la difficulté, je te demande Henri, que va faire l'Olympique Cup au milieu de tous ces clubs? Parce que bien souvent, ces joueurs sont peut-être pas à la hauteur du niveau. Le niveau va être relevé, donc je pense que les équipes présentes donneront le meilleur d'elles-mêmes. Et souvent sur un tournoi, tout dépend en général du premier match. Quand on fait un excellent match ou on fait un match nul, on peut espérer quelque chose à la fin, mais si dès le départ on perd, là le tournoi est compliqué. En plus il se déroule sur 2 jours et il y a certaines équipes qui s'affaiblissent le deuxième jour, qui n'y sont pas du tout. Disons qu'on est un petit peu dans ce tournoi, on s'aperçoit qu'on est presque à la championnite, hein. On essaie de trouver toujours des clubs prestigieux qui viennent affronter l'Olympique Cup, et malheureusement l'Olympique Montilien. Et bon, c'est compliqué pour les jeunes joueurs. Heureusement que les matchs ne durent que 10 minutes. Oui, mais après, c'est un plaisir. Le tournoi de fin de saison, en général, c'est beaucoup plus pour le plaisir. Donc, les joueurs vont être contents de rencontrer des équipes beaucoup plus fortes. Eh bien, espérons que les scores soient à la hauteur quand même non plus. Parce que si on commence à prendre des 5-0, c'est pas rigolo, quoi. Ouais, après, sur 10 minutes, tu risques pas grand-chose non plus. Mais, ouais, c'est ça, mais effectivement, ouais. Ça risque de dégager une petite frustration de la part des joueurs de Monteux. Alors moi j'étais plutôt dans une approche de ce tournoi, au fur et à mesure qu'on devient un petit peu impliqué. Excuse-moi Jean-Yves, c'est très mal poli de ma part de t'avoir coupé la parole et tu étais en train de parler. Mais juste pour dire que peut-être c'est bien d'aller à la championnate, mais par moment on devrait faire. C'est très dur ce que je dis. Hein. Essayer de faire un petit tournoi, une poule un petit peu, on va pas dire affaiblie, mais aussi que les garçons peuvent essayer de remporter un ou deux matchs. Et puis après, quand on rentre dans le classement final, malheureusement, on peut emprunter que des grosses cylindrées. Le problème, c'est que si tu fais une poule avec des équipes camembert, là, comme tu dis, celui qui va sortir de cette poule, ça sera toujours le vainqueur de la poule camembert. Et quand, au lieu de se faire crever au premier tour, il se fera crever au deuxième. Mais au final, il se fera crever pareil. Et au foot, les valeurs sont plus nivelées qu'au rugby, par exemple. Allons-y, on continue avec toi, Henri. Donc, la suite en CFA, bon, le Pontet, il y a un léger mieux, match nul, mais bon, cela ne s'arrange pas au classement, ils sont toujours bons derniers. On passe à la DH, avec les résultats de Perne, qui perd contre Fréjus Saint-Raphaël 1-0. Donc, ils jouaient contre les derniers, n'ont pas su gagner leur match, quoi. On passe ensuite à la DHR à Poule B, où Courthézon jouait contre Gap et victoire 1-0 de Courthézon. Saint-Zacharie jouait contre Le Pontet. Le Pontet gagne 3-4. Au classement, les deux équipes sont toujours classées 5e et 6e avec 54 points chacune. On passe en PHA. Les résultats, Saint-Rémy, Mayanne, donc victoire facile de Mayanne à l'extérieur 0-6. Courthézon 2, US Avignon 1-0. Tarascon, Montfavet 0-1. Berne 2, Nove 3-2. Nyons Veden, match non joué. Barbantane, Boulbon 4-0. Isle-sur-la-Sorgue, Carpentras 1-2. PHB, Poule A, Barbantane 2, Entraigues 1-0. Provence RCK, Calavon 1-3, Molégès, Jonquière 0-3, Saint-Didier bat le Pontet 2-1, Mossane Monteux 1-1, Rasto Saint-Jean-Grès 3-1 et Cavaillon Étienne Étoile Aubune 2-0. Donc les deux équipes de tête, Cavaillon et Saint-Didier, se tiennent toujours avec un point d'écart. Henri, c'était qui Pardon ? Autant pour moi, Saint-Jean-Grès. Ah merci, ça va beaucoup. Pour ça, je vais demander où il était Étienne. Non, Saint-Jean-Grès. 3-1. Ah, on taquine un petit peu dans cette émission. Ah, ouais. C'est bon enfant, donc ça va. On passe en PHB, Poule B, au Velleron et Galière 1-1. Villeneuve-Sorgue 1-3, Avignon-Gadagne 0-6, Orange-Château-Renard 3-0, Malocène-Carpentras 5-1, FC Luberon Dentelle 8-1. Waouh, score explosif. Et Violence Camaret 1-1. Ensuite, les résultats des féminines en DH. Monteux bat Saint-Cana 7-0. Et juste, j'aimerais revenir, 7-0, belle victoire de ces féminines de Monteux. C'est vrai qu'elles avaient à faire quelque chose. Elles l'ont fait et en plus elles se replacent au niveau du classement, il me semble. Et surtout qu'elles ont l'habitude de mettre quand même des scores à fleuve quand on regarde leurs résultats. Actuellement, elles sont classées 4e avec 58 points. On attend bien sûr le point, les fameux malus bonus. Alors ça se termine comment? Explique-nous, parce que bien souvent des auditeurs écoutent bonus, malus, comment un petit peu ça s'orchestre? Je crois qu'en fin de saison, en fait, ce qui se déroule, c'est au niveau des cartons, les cartons jaunes et les cartons rouges pris. Donc il y a des points en moins ou des points en plus pour des équipes un peu plus fair-play. Est-ce qu'on en a terminé, mon cher? On en a terminé, donc on peut passer à l'athlétisme. Oh, bien ri, bravo. Top chrono, athlétisme. Alors, parce que maintenant, c'est ta partie. Voilà, voilà, Didi Bougon, qui vient de rentrer dans les studios juste à l'instant. Non, je n'ai pas de rentrer dans les studios. Non, je comparais les... au niveau des féminines, j'avais l'impression qu'on tombait sur une histoire d'assurance bonus, malus. D'accord, toi, tu veux les accidents entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est terrible. Alors, on ne peut pas le refaire, c'est Didi Bougon. Hein. Alors, Didi, revenons un petit peu sérieusement à cette journée d'athlétisme ce week-end. Magnifique. Qui a été fantastique. Cavaillon, toujours Cavaillon. Dans les intramuros de la cité Qatar. Cavard, oui, excuse-moi. Qatar, ça c'est Carcassonne. Oui, c'est Carcassonne. C'est un lapsus. Voilà. Le temps y était. Il y avait tous les ingrédients pour avoir deux belles courses, un 10 km et un semi. Et au départ, c'était d'abord le semi-marathon. Et j'ai Pascal Terrane, le président, en ligne, qui va nous résumer vite fait. Mais c'est vrai que je me suis régalé. En plus, j'étais avec l'adjointe au sport qui m'a dit « Monsieur Bougon, je donne le départ, mais régalez-vous ». Voilà. Oui, des mots qui pourraient perturber nos auditeurs. Allons-y. Qui c'est qu'on a au téléphone? Pascal? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bon, je te remercie déjà de m'avoir demandé de venir donner le départ de ces deux courses. Je me suis régalé déjà, tu avais le beau temps, tu avais des athlètes de qualité sur les deux courses. On va dire que bon, il y avait le plateau, peut-être pas la quantité, mais ça tombait dans une période de vacances. L'Avignonnaise, qui est une course, bon, on sait pourquoi elle est placée. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment l'idéal pour toi. Oui, tout à fait, hein, je confirme. Donc, premier très bon point, la météo, hein, qui nous permet également de garder les coureurs après la course, c'est sympa. Hein, d'autant qu'on allie sportif et convivialité, et donc on avait prévu un beau stand de bière donc, qui a rafraîchi tout le monde, donc c'était parfait. Deuxième point, bien sûr, positif, on a eu un très beau plateau, hein, puisque le semi s'est couru en 1h12, c'est un très beau temps, avec un premier et un deuxième à 16 secondes d'écart, et un 10 km qui s'est couru en moins de 31 minutes avec un sprint pour la première place. Donc ça a été un niveau très très relevé sur les deux courses. Côté participants, on visait à peu près 500 coureurs, bon, on en a eu 450. Oui, il faut savoir en effet qu'on avait beaucoup, beaucoup de concurrence sur cette date-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de courses qui étaient sur le week-end de Pâques qui se sont décalées d'une semaine. Et donc rien qu'en Vaucluse, on avait quatre courses de nature différente, plus une course également qui prend de la valeur également à Égalières, près de Saint-Rémy. Et donc tout ça fait que notre contingent de 450 coureurs nous satisfait pleinement, quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que moi, bon, j'ai... D'autres personnes qui me disent, c'est vrai que c'est dommage que des fois le calendrier soit si chargé, parce que je pense que ton record de participants aurait pu être battu parce qu'en raison du temps et tout. Et c'est un peu le petit souci qu'on a dans le département. Malgré tout, il y a de la demande. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est un petit département, mais un magnifique département, hein, puisqu'on a vraiment des reliefs très différents. Et donc ça permet des types de courses très différents, et c'est vrai qu'on a à peu près entre 75 et 80 courses au calendrier, hein, pour 52 week-ends, donc ça se chevauche un peu, et que quand arrive le printemps en particulier, ben ça y a beaucoup de courses qui viennent s'inscrire. Mais moi je pars du principe que y a de la place pour tout le monde, Après, c'est la qualité, l'accueil, l'organisation qui doit faire la différence. Et c'est à chaque organisation d'aller préparer tout ça, d'aller chercher des partenaires, de ne pas demander forcément des tarifs trop élevés aux coureurs. Et on arrive à faire une alchimie et normalement une réussite assez sympathique au niveau d'une course. Alors ton alchimie, toi en tant que président et avec ton équipe de bénévoles, à la fois c'est la qualification pour le championnat de France sur semi, sur 10 km, mais en même temps derrière ça, tu as quand même toute ton équipe qui était présente. Et chaque année, il y a toujours, si je regarde bien sur le 10 km, ça se gagne au sprint. Et le club du CSMA a répondu présent au niveau de ses athlètes, aussi bien au niveau des podiums qu'au niveau de la quantité. Et puis tu avais quand même le club d'Anduze et d'Alès aussi qui était présent avec d'autres gens du Gard et des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Alors on a souvent des petites équipes qui viennent. Enfin des petites équipes, c'est parfois 10 à 15 coureurs d'un club. Qui viennent faire un déplacement sur Cavaillon. Donc ça nous apporte un petit peu des groupes. On a eu cette année beaucoup la SCO Sainte-Marguerite, hein, qui gagne d'ailleurs par équipe. Hein. Donc ça m'a un petit peu, pas surpris, mais on voit que c'est des gens qui viennent, qui ont fait le Running de Marseille sûrement il y a quelques semaines, et puis qui reviennent faire une deuxième course, soit parce qu'ils n'ont pas eu leur qualification, soit pour se faire plaisir. Ouais. Donc c'est très très bien, et surtout... je vois qu'on ratisse très très large puisque on a eu des gens de région parisienne, on a eu des gens de Langres dans l'Est, on a eu des Normands, on a eu des gens du Sud-Ouest, on a eu beaucoup de gens de la Côte d'Azur et même quelqu'un qui est venu de Martinique. Voilà, donc ça veut dire que notre communication est pas mal suivie et puis on a également la région Provence-PACA puisqu'on a une course qui est au challenge des courses hors stade de Provence. Qui nous permettent d'être au calendrier et d'avoir une connaissance de notre course au-delà du Vaucluse et bien sûr en région. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alexis Monassi, qui est le vainqueur de ton édition du semi-marathon, avait gagné une semaine avant le semi de hier également aussi. Hein. Tout à fait, dans un temps très proche. Donc d'ailleurs, quand j'ai vu qu'il s'inscrivait, je lui ai mis un dossard préférentiel, oui. Étant donné que je savais qu'il ferait un superbe temps. Mmh. Et puis bon, c'est une belle organisation. Alors c'est vrai que bloquer la ville pour 450 personnes, on pourrait le faire pour beaucoup plus, puisqu'on a quand même 150 bénévoles hein, qui s'occupent de la circulation ou de la logistique. Et puis également, on remercie forcément les partenaires, une ville comme Cavaillon qui nous suit bien sûr depuis des années, et puis notre antenne de partenaires privés hein, qui nous permettent de boucler les budgets. Et donc ça, c'est important pour des organisations comme nous, voire comme d'autres petites organisations qui animent également toutes les courses du département le week-end. Ce qu'il faut voir en plus, Pascal, c'est que rares sont les clubs comme toi dans le Vaucluse qui ont quand même 30 partenaires, pas que pour ta course, mais aussi pour toi, pour ton club. Hein. Oui, je crois qu'à mon avis, la course à pied est quand même quelque chose de porteur. Hein, parce que quand vous allez voir une entreprise, un chef d'entreprise, vous voyez que très vite, il vous parle de course à pied, de ses salariés qui courent, etc. Donc, on a tout de suite un point d'accroche dans la discussion. Et ça peut générer également des vocations de faire des petites équipes dans les entreprises. Donc c'est surtout ça notre lien et on s'aperçoit que dans les villes comme Cavaillon de 25 000 habitants, les entreprises ont besoin d'avoir ce lien et d'avoir ce lien également avec la commune. Donc on associe beaucoup la commune et on fait en particulier les soirées de présentation de nos manifestations aux élus, aux partenaires devant la presse et ça permet à chacun de se rencontrer. Donc ça c'est essentiel, c'est le bien vivre ensemble. Je te remercie Pascal et félicitations à toi pour cette organisation avec toute une équipe de bénévoles mais également aux gens de ton club hein, puisque c'est le point fort également de Cavaillon. Et maintenant place aux interclubs qui vont se profiler d'ici le mois de mai, hein, fin mai. Tout à fait et puis j'invite tout le monde à venir nous voir également à l'éco-trail en fin d'année qui est une très belle épreuve. Pour Noël, oui. Sur la colline Saint-Jacques, 15 jours avant de Noël, avec le grand buffet de Noël, les huîtres, le foie gras et le saumon. Ouh là là, je sens que l'aspect culinaire, ça va être bon pour quelqu'un qui est absente, mais elle saura nous le rappeler. En tout cas, merci Pascal pour ces mots et puis aussi pour ton club et pour cette organisation. Je ne sais plus si c'était la deuxième ou la cinquième ou la dixième. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais, sur ce nouveau concept, c'était la sixième, mais le semi-marathon à Cavaillon existe depuis 25 ans déjà. Très bien. Merci encore, Pascal. Voilà, merci.